Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Mila hanenu so de ka soy amewo de ka. De ka eve eton ene aton adin andrin ameni amacheke amewo amewo de ka. Deka, Eve, Eton, Ene, Aton, Adin, Andrin, Ameni, Amacheke, Amewo, Amewo Deka. Deka, Eve, Eton, Ene, Aton, Adin, Andrin, Ameni, Amacheke, Amewo, Amewo Deka. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Milayo kewe nona kosira mewo, Joda, Blada, Kura, Yaura, Fida, Memeda, Kosira, Joda, Blada, Kura, Yaura, Fida, Memeda, Kosira, Joda, Blada, Kura, Yaura, Fida, Memeda, Kosira. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Milayo leti kewe nona epemea. Kudi, zome, dranudo, nudo, bedwama, sime, nukuya, afo, epeekpe, kele, ahu, Baluwe, Kudi, Zome, Dranudo, Nudo, Bedwama, Sime, Nukuya, Afo, Epeekpe, Kele, Ahu, Baluwe, Kudi, Zome, Dranudo, Nudo, Bedwama, Sime, Nukuya, Afo, Epeekpe, Kele, Ahu, Baluwe,